Vendredi 5 mai 2017. Il fait beau. Il y a un magnifique soleil, il y a du vent. Et pourtant, le temps est lourd. Malgré le vent, en fait, il y a une sensation d'immobilisme et de poids pesant. Je cherche en fait un texte pour exprimer ce que je ressens. Et pas uniquement ce que je ressens, mais aller au-delà en fait, et offrir une sorte de lumière par des paroles ou par des pensées à qui voudra entendre ou qui pourra, pour essayer de dépasser ce truc assez dingue de peur et voire de panique ces derniers jours que je vois s'installer. Et que je ne veux surtout pas nier. C'est pas. C'est normal. Enfin, je vois plein de trucs qui sont écrits, qui sont jetés à la gueule les uns des autres. Et ça fait super mal à plein de gens, en fait. Ces trucs d'injonction au vote, essentiellement au vote, faut bien le dire, hein. Il n'y a pas beaucoup d'injonctions à ne pas voter, et encore moins d'injonctions, hélas, à faire autre chose, à tenter autre chose dès maintenant. Et en vrai, même si ça fait mal, je comprends, enfin, je vois pas comment il pourrait en être autrement, parce que il y a un maximum de personnes qui veulent croire, en fait, qui voudraient croire, et qui à chaque fois, que ce soit par le vote ou par l'acceptation d'un contrat ou par l'acceptation d'un boulot de merde ou l'acceptation de plein de choses qu'on accepte depuis des années, font des sacrifices énormes sur leurs pensées, sur leurs convictions, sur leur manière d'espérer un autre monde, une autre chose, un autre avenir, une autre, plus de dignité, plus de courage, plus de plein de choses en fait, et qui s'assoient sans arrêt dessus et qui se disent bon allez, je mets un bulletin, ou même j'en mets pas, mais enfin j'essaye de convaincre les autres qu'il y a une solution là, je crois l'avoir trouvée, ça y est, je crois. Ce truc de croyance qui est projeté en fait sur des parties, voire sur des individus, et que bah évidemment il y a déception. Que ce soit par le fait de ne pas gagner ou par le fait de se rendre compte que la personne ou le parti, cette chose fabriquée sur laquelle on projette tant d'espoir, tant de volonté, ben cette chose ou cette personne fait pas ce qu'on avait prévu de faire, et voire fait pas du tout ce qu'on avait prévu de faire, et voire ces 5 dernières années, certes, mais ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, ces 20 dernières années. Qui que ce soit passe son temps au niveau, qui que ce soit, je veux dire, en termes de personnes qui peuvent prendre des décisions qui influeront sur la vie à venir, sur le monde à venir. Toutes ces personnes passent leur temps, en fait, à faire des compromis avec du profit immédiat, avec des notions d'urgence, avec des notions de plein de choses. Et des compromis de merde, faut bien le dire, quoi. Des compromis qui nous foutent à tous et à toutes la tête dans le mur. Enfin, c'est assez dingue. Et du coup, évidemment, que des personnes qui se rendent compte de ça, consciemment ou inconsciemment, et qui font quand même un geste d'aller se foutre dans un isoloir, ou que sais-je encore, enfin, mais des gestes qui sont essentiellement des protections, en fait. Et non pas des ouvertures, énormément de ces personnes-là vont avoir la haine ou vont avoir besoin de dégager ce truc de culpabilité ou de plein de choses. Et ouais, c'est super violent en ce moment. Et c'est super violent par le biais d'injonctions, par le biais de mots, par des biais indirects et par des biais, franchement, par moments, vraiment dégueulasses. Sauf qu'on ne peut pas leur en vouloir, en fait. Et que. Voilà, le texte que je cherche, ou la chose que je cherche, c'est comment dire, comment redonner courage, comment faire un gros câlin à ceux qui sont complètement paumés, qui sont en train d'invectiver, qui sont en train de supplier parce que même eux ont fait des conneries et tout. Comment trouver le moyen de nous ressouder, de nous dire, ben, en fait, là, tout ce, autant qu'on en est, on est dans la merde et même si on n'a pas les mêmes façons de faire, en vrai, à force de se séparer les uns des autres, on va droit encore plus dans le mur. En plus, en courbant les chines, et c'est juste horrible, quoi. Et du coup, je me posais la question de ce qui avait marché ces dernières années, de ce à quoi j'avais pu participer et que j'avais vu marcher et que j'avais vu fonctionner. Parce qu'en fait, je crois que c'est ce genre de choses dont on a besoin actuellement, peut-être, d'entendre à quel moment ça marche, à quel moment on réussit à faire des choses malgré des décisions de ceux d'en haut qui font leur putain de compromis de merde, pardon, mais voilà. Et en fait, dans les dernières choses que j'ai pu voir marcher, que j'ai pu voir fonctionner, je voulais transmettre ce truc assez balèze, je crois, d'une des dernières manifestations à laquelle j'ai été, et Dieu sait si ça me coûte d'aller à des manifestations pour plein de raisons, mais je crois qu'il n'y a pas le choix, en fait, que si on lâche la rue, c'est mort de chez mort, mais vraiment, quoi. Et en fait, ces manifestations, j'habite à Nantes, pour celles et ceux qui ne le savent pas, la plupart sont extrêmement, pour le moins, encadré et surtout réprimé extrêmement violemment. Et ça demande effectivement du courage actuellement que d'aller manifester et de savoir qu'il y a 9 chances sur 10 ou 9 risques sur 10 qu'on se prenne à minima de la lacrymo. Mais soit dit en passant, personne n'en meurt de la lacrymo. Voire des gros coups de chauffe, des gros coups de panique, etc. Et une de ces dernières manifestations, alors c'est pas la dernière, loin s'en faut, mais je crois que c'est une manifestation contre le FN. Il y a toujours cette difficulté de manifester en ayant des personnes et des attentes différentes, et des fonctionnements du coup différents, et de réussir à rester quand même un cortège, malgré nos différences, en essayant de ne pas se mettre en danger ou de ne pas se scléroser entre nous par nos différences, mais plutôt de les additionner pour en faire quelque chose qui va regarder en face notre but et non pas nos pieds ou nos mains ou nos attitudes ou nos fringues ou etc., etc. Et donc cette manifestation, il y avait des gens, on va dire, hyper déter qui étaient dedans et puis des gens qui étaient plus en mode hyper pacifique, hyper pépère. Ça faisait un drôle de cortège et avec toujours ce truc effectivement de moment où ça peut frotter entre les pratiques et tout. Mais ce que j'ai pu observer, je ne sais pas si d'autres ont pu observer, en tous les cas, ce n'est même pas de l'observation, c'est du ressenti, c'est que voilà, sur les moments où les flics ont vraiment chauffé de chez chauffé, parce qu'ils ont attaqué très très rapidement et voulu séparer le cortège en deux, et que ça a été un vrai bordel, et qu'il y a peu d'images d'ailleurs pour le montrer, par contre, là où il y a des émeutiers, il y a plein de gens qui photographient et qui font des vidéos, mais là où il y a des stratégies assez imprévisibles et tout, il n'y a généralement pas d'image pour démontrer ce qu'on apprend par la suite. Bref, je n'arrête pas de digresser. Ce que j'ai pu ressentir sur des moments où j'ai vraiment paniqué parce que c'était lacrymo à fond, parce que je ne peux pas courir et que du coup, à chaque fois, je me sens totalement en danger. Si je cours, je tombe. Si je tombe, je me démets des rotules. Si je me démets les rotules, je vais à l'hosto pendant X mois, voire... voilà, donc c'est compliqué. Et évidemment, à chaque fois que je vois ces mouvements-là, bah, j'ai qu'un seul réflexe, c'est de paniquer et de m'éloigner, voire de quitter complètement la manifestation. Et cette fois-ci, et c'était la deuxième ou troisième fois que je voyais ça en quelques années, là, des personnes à chaque fois, et pas toujours les mêmes, sont venues, m'ont regardé dans les yeux, pour certaines m'ont touché l'épaule ou le bras, doucement, avec un geste précautionneux, pour me demander si ça allait. Juste ça. Et ce faisant, en fait, ces personnes m'ont permis de reprendre contact avec le réel, de sortir de la panique, de sortir de la tétanisation, de respirer, même si ça piquait des fois, et de souffler. Et juste en faisant ça, et pas en restant à me poser plein de questions, juste en faisant ça et en repartant, ces personnes m'ont permis non seulement de rester, mais de faire la même chose avec d'autres, ensuite. De voir à des moments des personnes qui pouvaient être plus en difficulté encore que moi, d'aller vers elles et d'avoir ce même rapport, de demander si ça va, de toucher le bras, d'avoir un contact, et de repartir, et de revenir vers la manifestation à chaque fois. C'est pas grand chose, mais en fait, je crois que c'est là que réside toute la clé de la suite, peut-être, je sais pas. C'est ce fait de s'arrêter, de regarder autour et de se dire qu'il y a peut-être encore plus mal que nous. Et juste d'aller lui demander si ça va, enfin, si cette personne peut encore supporter ce qui est en train de se passer. Et en faisant ça, lui redonner le courage d'aller voir d'autres personnes elles aussi. Et vraiment, je pense qu'il y a une clé énorme là-dedans parce que cette chose-là, elle se partage et elle s'amplifie, elle fait un effet boule de neige. C'est exactement la même chose que la peur, mais c'est une sorte de, je sais pas, j'ai l'impression de parler d'un truc de Pikachu et machin, mais c'est la force inverse. C'est cette force-là, je crois, qu'il faut qu'on trouve. Que ce soit par les mots ou que ce soit dans la rue, que ce soit dans la famille, que ce soit partout. En fait, juste se regarder dans les yeux, respirer, s'ancrer dans le sol. Et se demander si ça va, si on va pouvoir encore avancer et permettre à l'autre de faire un pas de plus. Parce qu'il va falloir là, en fait, trouver comment dire que ça va pas aller mieux. Et qu'il va quand même falloir continuer à se battre, mais que ça va pas aller mieux. Sûrement pas. Pas les 5 prochaines années, qui que ce soit qui passe. Ça va pas aller mieux. Au mieux du mieux, certaines personnes vont toujours être épargnées encore un peu pendant quelques années de la douleur, de la chute, de plein de choses, quoi. Mais on est de plus en plus nombreux en bas. On est de plus en plus nombreux à galérer, mais comme jamais, quoi. Et on est de plus en plus nombreux et nombreuses à ne plus savoir comment faire, mais à savoir qu'il faut s'organiser. Je pense que cette truc d'organisation qui paraît un petit peu comme ça, dans le flou et tout, c'est juste en fait regarder autour, voir ce qu'on est capable de faire, ce qu'on sait faire, se dire ok, avec ça, cette compétence, je m'inscris dans le mouvement social, je m'inscris dans la résistance, je m'inscris dans la lutte à mon niveau et j'essaye de faire à chaque fois juste un pas de plus. Pas de devenir des surhumains, pas de déplacer des montagnes, ça se fait pas comme ça, non. Juste faire un pas de plus et permettre à quelqu'un d'autre de faire un pas de plus, encore un pas. Parce que là, c'est vraiment pas fini, on n'a pas fini d'en chier, vraiment pas. Et c'est absolument pas sexy de vendre ça, c'est absolument pas. On n'est pas, voilà, là où on en est en fait... Il y en a qui parlent des valeurs de la gauche, il y en a qui parlent des valeurs des anards, etc., etc. En face de nous, on a des camps qui sont extrêmement organisés, qui sont extrêmement précis et pointus dans la manière de communiquer et qui investissent des tonnes d'argent dans leur langage, dans leurs normes, dans leur façon de faire. Et un exemple parmi tant d'autres, le fait qu'il y ait la moitié, je crois, de la population de la France qui soit sur Facebook et que, en fait, Facebook permette le sponsoring de publication, ça entraîne, voilà, ces modifications de société qui rendent tous les propos confusionnistes, conspirationnistes, tous ces trucs-là, de haine, qui rendent tout ça encore plus possible, encore plus... même réel, alors que c'est du monde virtuel, tout ça, on n'a pas de moyen de lutter contre ça, hormis celui de se dire, ok, entre nous, en bas, on se casse pas la gueule, on s'invective pas, on se latte pas, on essaye de s'ouvrir une porte, de toucher l'autre, juste à côté, et de lui demander, ça va, même si on est choqué par son propos, parce que cette personne, en fait, dans sa manière d'agir, est juste en train de, à sa façon, de ce qu'elle connaît, de là où elle en est, essayer de trouver une échappatoire à ce qu'elle subit, comme nous, en fait. Et vraiment, je sais pas où trouver ce truc de formule magique, parce qu'en face de ce qui est en face, je sais pas, je voudrais avoir une baguette magique, un machin, enfin, je sais plus quoi, je sais plus du tout quoi faire et dire pour aider à ce qu'on continue à serrer les coudes quand même, malgré tout, malgré le fait qu'on fasse tous des erreurs et toutes des erreurs, parce que c'est hyper dur en vrai, c'est vraiment hyper dur je sais pas quoi dire de plus. Mais respirons un grand coup, vraiment un grand coup, et regardons l'arbre, ou regardons, je sais pas, le ciel, ou regardons l'enfant, ou chaque chose qui peut nous inspirer, et donnons ce truc-là à notre voisin qui va pas bien et qui est en train de péter un câble et qui est en train de raconter n'importe nawak et tout. Là, immédiatement, à côté, allons voir. Quand on sort, enfin moi, quand je sors de chez moi, je m'accroche un sourire, même si je le pense pas. Je m'accroche un sourire. Je m'habille un peu bizarrement, un peu machin, un truc, juste pour apporter une récréation et un sourire et un soulagement et une respiration aux personnes que j'ai croisées. Et ce faisant, en permettant ça, ça leur permet elles aussi de le faire derrière, de se décontracter, de respirer un petit peu et de pouvoir le donner. Juste ça, rien que ça déjà, essayons de faire ça. Enfin, pardon, je ne veux pas vous dire quoi faire, mais ce truc de dimanche là, arrêtez de vous crisper là-dessus, juste ça par contre, je vous en supplie, juste ce truc là, arrêtez de vous crisper là-dessus. Votez, mettez le bulletin, ou ne le faites pas. Vous savez très bien que cette chose-là n'est qu'une goutte d'eau dans tout ce qui va se passer. Vous le savez au fond de vous. Donc, ne nous le reprochons pas entre nous, que ce soit du pire ou du un peu moins pire qui passe. On n'y est pour rien, ce n'est pas de notre faute à nous. Vous le savez très bien, les fautifs s'appellent Monsanto, les fautifs s'appellent Vinci, les fautifs s'appellent... Il y en a même un qui n'a plus aucun compte à rendre à qui que ce soit dans n'importe quel pays. On a désormais une multinationale qui ne rend plus de compte à personne et qui s'appelle Frontex. Est-ce que vous... Enfin, à un moment, remettez en perspective celui que vous estimez irresponsable parce qu'il ne s'intéresse pas à la politique et qu'il ne va pas voter dimanche, et quelque chose comme Frontex. Voilà, juste ça. Et respirez. Juste respirer. Ça va mal se passer, on le sait. Mais au moins soyons dignes et soyons forts et soyons ensemble dans ce mauvais passage. Ça serait tellement... tellement ça de gagner déjà sur eux, quoi. Voilà, je vais essayer de trouver un texte, je sais pas. C'est un peu le bordel, là. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que dimanche, je serai dans la rue. Et j'espère vous y croiser. À très vite. Au revoir.